Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Charles Martel est le symbole de résistance à l'islam qu'il est devenu. C'est avec une profonde tristesse que je vous informe qu'une quarantaine de personnes seraient mortes aujourd'hui à la suite d'une attaque terroriste, d'une violence extrême. It is clear that this can now only be described as a terrorist attack. La première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, à la suite de l'attentat terroriste à la mosquée de Christchurch en mars 2019, c'est finalement 50 personnes qui vont perdre la vie dans cet attentat ciblant des musulmans. En semant l'horreur dans une mosquée de la Nouvelle-Zélande, le tueur de Christchurch s'est réclamé. La figure historique de Charles Martel, on a retrouvé sur son arme une inscription du nom de Charles Martel et une référence à la date de la bataille de Poitiers en 732. Pourquoi cette association? Que s'est-il vraiment passé à Poitiers en 732, et qu'est-ce qui fait que Charles Martel soit devenu avec le temps un symbole de résistance à l'islam? Dans cette bataille de Poitiers, tout est à relativiser. Abdelrahman, à la tête de ses troupes, semble plus emporté par des envies de pillage que par un projet d'expansion, Charles Martel semblait, lui, plus intéressé à étendre son influence, virer les Mérovingiens et mettre sur le trône une nouvelle dynastie, la sienne, les Carolingiens. Et la bataille de Poitiers n'est en rien la grande victoire de l'Occident chrétien. C'est surtout à partir du 14e, 15e siècle, si vous voulez, après les croisades, qu'on a commencé à monter en pièces toutes. Et encore plus au XIXe siècle, et bien, de toute façon, depuis la Troisième République, tous les manuels scolaires s'appuient sur cette mythologie du Charles Martel, sauveur de la chrétienté. Il n'empêche que Charles Martel, qui écrase les Arabes à Poitiers en 732, reste un mythe national, construit au fil des siècles pour faire peur. Selon certains historiens, Poitiers ne fut pas le Waterloo des Arabes. Et malgré les lourdes représailles, beaucoup de musulmans prirent racine dans le sud de la France sans que cela n'ait jamais gêné personne. Extrait d'un reportage de France 3 Poitou-Charentes présenté en octobre 2012, autour de la date anniversaire d'ailleurs de cette célèbre bataille de Poitiers en octobre 732. Déjà dans ce reportage, on commence à départager le mythe de la réalité quand on parle de Charles Martel et de la bataille de Poitiers pour nous expliquer sur quoi repose ce mythe de Charles Martel comme grande figure de la résistance à l'islam, pour nous ramener aussi à la vérité historique autour de Charles Martel. Je reçois Maxime Laprise, qui est candidat au doctorat en histoire à l'Université de Montréal. Maxime Laprise, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. C'est vous, Maxime Laprise, qui nous avez proposé de faire cette émission sur Charles Martel. Pourquoi? Pourquoi vous teniez tant à faire une émission sur lui? Bien, on n'en est pas à la première fois où il y a des gens qui instrumentalisent l'histoire à des fins politiques, mais là, on atteint un cap, on atteint un niveau inacceptable lorsque cette instrumentalisation-là en vient à servir à des fins de haine, à des fins mortifères, afin de tuer des gens. Ouais. Donc, il m'apparaît que c'est un peu la fonction de l'historien ou de l'historienne, son devoir civique d'intervenir dans le débat public et de remettre les pendules à l'heure, montrer que, bien, il y a un mythe, mais il y a aussi une réalité historique qu'il faut démonter. Parce que c'est inacceptable d'utiliser l'histoire pour tuer des gens. Le refus, pour l'historien que vous êtes, de voir l'histoire être récupérée pour des fins haineuses, comme vous le disiez. Exactement. On vient chercher mon domaine d'étude pour tuer des gens. Donc, c'est un peu inacceptable. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, cela dit? Parce que c'est vrai qu'il est devenu ce mythe. Ouais. Il a été récupéré depuis le début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, par une extrême droite identitaire, Charles Martel. Sa figure, cette figure de résistance à l'islam, elle a été récupérée par cette droite-là. Mais bien avant ça, depuis le 19e siècle, c'est un réel mythe, entre autres en France, Charles Martel. Parlez-nous de ça. Qu'est-ce qui fait qu'on en a fait le mythe qu'il est devenu? En fait, ce mythe-là s'établit sur une bataille qui a eu lieu au 8e siècle, en 732, quand les troupes de Charles Martel, un seigneur de guerre franc, affrontent les troupes du califat omeyyade musulman. Donc, ça a lieu autour de Poitiers, autour de Tours. Sur le moment, ça s'est perçu comme une bataille relativement mineure. Le mythe sera repris au 19e siècle, puis on en vient rapidement à présenter cette bataille-là comme l'exemple de la défense française, la défense de la chrétienté contre un islam obscurantiste mais envahissant. Ça va évoluer, mais c'est surtout dans les années 90 qu'on va... L'extrême droite française, plutôt antisémite, va sombrer dans l'islamophobie et va se mettre, elle aussi, à instrumentaliser ce mythe-là. On le voit à plusieurs occasions. Notamment, on a l'exemple en 2012, l'occupation d'un champ de construction d'une mosquée à Poitiers, où le groupe d'extrême droite Génération Identitaire se revendique de Charles Martel et de la bataille de Poitiers. On a au lendemain de l'attentat du Bataclan à Paris, où on voit apparaître un peu sur la fachosphère française des slogans qui disent « Je suis Charlie Martel », en hommage à « Je suis Charlie ». Puis un peu partout maintenant dans le monde, les mouvements d'extrême droite, notamment par l'intermédiaire d'Internet, est devenu une figure de la résistance par rapport à une imaginaire invasion musulmane. Et on le voit donc notamment dans l'attentat en Nouvelle-Zélande où cette défense-là prend les armes. Ouais. Et puis on va revenir à ça parce que au fond, ce qui est intéressant dans ce qu'on va raconter comme histoire aujourd'hui, c'est que une histoire réelle. Et il y a eu cette bataille de Poitiers en 732 où Charles Martel a effectivement repoussé des Sarrasins, des musulmans. Ça, c'est la réalité. Mais il y a eu une transposition, une récupération de ça pour en faire un mythe. Et c'est là où on dérive probablement. Puis vous allez nous dire pourquoi dans quelques minutes. On a fait de Charles Martel celui qui a repoussé l'invasion musulmane alors qu'on n'est vraiment pas là en 732. Parlons donc, pour comprendre justement comment s'est fabriqué ce mythe, parlons de la réalité, de la réalité historique. Commençons par Charles Martel lui-même. Qui est-il, Charles Martel? Donc, Charles ou Karl, de sa langue germanique natale, c'est un franc. Donc, les Francs, c'est un peuple germanique, issu on n'est pas trop certain, de la Mirin, qui profite un peu de la chute et du déclin de l'Empire romain d'Occident pour envahir, ou par la colonisation ou les conquêtes, une partie de l'Europe occidentale. Donc, c'est un peuple barbare. Ce n'est pas des Français, ce sont des Francs, bien qu'ils vont donner leur nom au territoire. Charles est né en 688 à Herstal, c'est à peu près dans la Belgique actuelle, d'une famille d'aristocratie guerrière. Son père, Pépin, est maire du palais. Un maire du palais, c'est une espèce de premier ministre qui a le réel pouvoir dans son royaume, d'une dynastie, donc les rois, les Mérovingiens, dont l'histoire va présenter avec le terme « les rois fainéants », c'est-à-dire des rois qui ont peu de pouvoir objectif. C'est surtout leur premier ministre, leur maire du palais, qui ont l'authentique pouvoir. À la mort du père, Charles lui succède après une guerre civile. En fait, il faut comprendre qu'à cette époque-là, la polygamie est d'usage, donc Pépin a plusieurs femmes. Et sa première femme, Plectrude, considère que ses propres enfants devraient lui succéder. Donc, elle fait enfermer Charles, qui réussit éventuellement à s'échapper, ce qui engendre une guerre civile. Ouais. Il va réussir à prendre le pouvoir et devenir maire du palais dans le royaume. Et après la victoire de cette bataille-là, vers 715, il s'attribue le titre de duc des Francs. Il prend le pouvoir dans deux royaumes, c'est-à-dire l'Austrasie et la Neustrie, dont l'union, on va appeler notamment la Francie, qui recouvre à peu près le nord de la France actuelle, ainsi que l'ouest de l'Allemagne, à peu près. Donc, à son apogée, ce royaume, cet empire, en quelque sorte, de Charles Martel, c'est un empire important. Ben, dès son accession au pouvoir, Charles a une politique impérialiste, résolument. Je veux dire, on n'a pas le bon seigneur chrétien qui ne tue, comme le dit le mythe des musulmans. Il tue beaucoup de chrétiens au cours de sa carrière. D'ailleurs, son surnom, Martel, vient probablement de son attitude belliqueuse. Il y a beaucoup d'hypothèses sur l'origine de son nom, mais c'est Martel, c'est celui qui tape avec un marteau, c'est celui qui tape dur. Donc, premièrement, il assure la sécurité sur ses deux royaumes récemment conquis et il s'en prend à des royaumes qui l'entourent. Il prend notamment la Frise, qui est aujourd'hui les Pays-Bas puis le nord de l'Allemagne. Il prend la Bavière, la Lamanie, qui sont l'Autriche puis le sud de l'Allemagne actuelle. Donc, bien qu'il ne soit pas roi, avant la bataille de Poitiers en 732, il est l'homme fort en Europe occidentale. Voilà. Alors, on y revient à cette bataille de Poitiers parce que c'est beaucoup autour de cette bataille-là que, encore une fois, va se construire le mythe autour de Charles Martel. Qu'est-ce qui s'y passe vraiment à cette fameuse bataille de Poitiers? La réponse, en tout cas une partie de réponse, dans cet extrait de la série documentaire de Daniel Costel, Les grandes batailles du passé. Ils sont une dizaine de milliers, des Francs, des Germains, des Burgondes. Charles Martel a rameuté ses vieilles bandes de rudes guerriers qui sont venus des bords du Danube et de l'Elbe. Alors, comment s'est déroulée cette bataille, Jean de Vios? Eh bien, d'abord, les ennemis sont restés 7 jours en vis-à-vis. Et puis, le septième jour, qui était donc le samedi, par quel accord mystérieux, on n'en sait rien, les uns et les autres se rangent en ordre de bataille. Les Arabes d'abord, qui sont sortis de leur tente à l'appel du muezzin, au moment de la prière de l'Alzor, la seconde de la journée, les Francs se placent comme un mur immobile, a dit la chronique. Mur immobile, on dit un mur de glace, l'immobilité parfaite, l'impassibilité, un mur de fer. Et c'est sur ce mur que les Arabes ont chargé. Au galop, à pleine vitesse, en poussant des cris pour effrayer l'ennemi, pour le désunir, le dissocier, les Arabes se livrent successivement à 5, 10, 20 charges. Le paradis est devant vous, l'enfer est derrière, leur a crié Abderrahman. C'est quand même Charles Martel et ses troupes qui vont gagner cette fameuse bataille de Poitiers en 732, où il affronte donc des Sarrasins, des musulmans. Parlez-nous de ce qui s'y passe vraiment, du contexte aussi qui va conduire à cette bataille-là, Maxime Laprise. Ben, on sait vraiment peu de choses sur la bataille à proprement parler. D'une part, on n'est même pas certain de où ça a eu lieu. D'ailleurs, les historiens et historiennes anglo-saxons parlent de la bataille de Tours. Oui. On n'est pas certain de la date, entre 732 et 733. Sur les détails tactiques de la bataille, certains vont parler de 10 000 soldats de chaque côté, certains vont parler de 20 000. Les détails sur, qui ont été mentionnés dans l'extrait que vous venez de passer semblent réels parce que sont mentionnés beaucoup, mais dès l'époque, c'est perçu comme une bataille relativement mineure. Donc, assez peu de chroniqueurs des deux côtés s'intéressent réellement à cette bataille-là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du 7e siècle, l'islam s'étend partout au Moyen-Orient, en Anatolie et en Afrique du Nord, notamment par des conquêtes militaires du califat de la dynastie des Omeyyades, dont la capitale se trouve à Damas. Entre 711 et 726, ces conquêtes-là se rendent jusque dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal actuel. On va en venir aussi à traverser les Pyrénées et s'établir au sud de la France. Ouais. Ce qui est important de noter, contrairement à ce que pense le mythe, il n'y a pas de projet d'invasion, mais des projets de raids. Donc, les troupes musulmanes mènent une série de raids, des pillages un peu partout dans le sud de la France, ce qui pose problème pour la personne qui est en position de pouvoir dans ce sud de la France, qui est en fait le duché d'Aquitaine, à la tête duquel se trouve le duc Eudes, qui se trouve un peu débordé, et il n'a d'autre choix que d'appeler à l'aide Charles Martel, qui est l'homme fort, comme je l'ai dit, de ce continent européen. Donc, il l'appelle à l'aide. Celui-ci apporte son aide à Eudes et effectivement, donc, il y a cette bataille remportée par Charles Martel et ses troupes. Le chef musulman est tué et ce sera le point le plus au nord où vont se rendre ces pillages musulmans. Peu à peu, les musulmans seront repoussés vers le sud et la dernière ville sera prise par le fils de Charles Martel, Pépin le Bref. Mais c'est à peu près tout ce qu'on sait sur la bataille en elle-même. Donc, la vérité historique, pour se rapprocher du fameux mythe où Charles repousse l'invasion musulmane, la vérité historique, c'est qu'il y a des pilleurs musulmans qui franchissent les Pyrénées, qui se rendent dans le sud de la France pour piller. Oui. Et Charles Martel, par opportunisme politique, au fond, aide son ami, entre guillemets, parce que Eudes lui demande son aide, mais à contre-cœur. Mais il lui prête main forte pour, au fond, s'assurer de contrôler un territoire nouveau pour lui. Ça, c'est la réalité historique. Poussons plus loin pour comprendre, en fait, entre le mythe et la réalité. Refaisons peut-être un peu le récit de cette bataille-là, de ses objectifs réels, de part et d'autre, pour les musulmans, pour les Sarrasins et pour Charles Martel, pour comprendre d'un côté, avec une colonne, l'histoire réelle et de l'autre, le mythe. Ben, quand Charles intervient en Aquitaine, vous l'avez dit, il n'y a pas de grands objectifs de protection de la chrétienté ou d'une, entre guillemets, civilisation occidentale. Le concept n'existe absolument pas à l'époque. En fait, il est assez, c'est cynique, mais il est même assez anticlérical, Charles. Ben, il n'en a surtout rien à faire de l'Église. Ouais. Pendant ses conquêtes, il va tuer des Juifs, des chrétiens, des musulmans. Il va piller des églises, il va piller des monastères pour payer ses troupes. Ouais. Il est là pour des raisons politiques, c'est-à-dire prendre le contrôle sur l'Aquitaine. Et la demande d'aide d'Eudes, c'est juste un cadeau venu du ciel pour lui donner l'occasion et l'opportunité d'intervenir. Il va faire des nombreux ravages, non pas dans le milieu musulman, mais dans le milieu chrétien. Ouais. Donc, il va piller, il va notamment raser les villes de Nîmes et d'Agde qui vont lui résister. Ce sont des chrétiens, mais ils vont lui résister par crainte d'une attitude impérialiste d'une crainte aussi de perdre leur autonomie locale. Est-ce que même dans cette bataille, des chrétiens, est-ce qu'on peut même dire qu'il y a des chrétiens qui vont se battre, entre guillemets, aux côtés des Sarrasins, des musulmans, tout à contre fait. Charles? Tout à fait. Donc, il va y avoir des chrétiens et des musulmans qui vont se battre côte à côte parce que des aristocrates vont se révolter contre Eudes, qu'ils perçoivent comme un seigneur faible, qui ne comprennent pas qu'ils demandent à l'aide un autre seigneur. Et il y en a même qui aiment plutôt le pouvoir musulman qui leur apparaît davantage, je dirais pas progressiste, mais acceptant, moins impérialiste. Donc oui, certains vont se battre à leur côté. Du côté musulman, comme je l'ai dit, on sait qu'il n'existe pas de projet d'invasion. On mène des raids dans un contexte de décentralisation. Le sud de la France, il n'y a pas une forte centralisation, il n'y a pas d'État à proprement parler. On profite. Pourquoi on s'attaque à des églises et des monastères? Ben, c'est tout simplement parce que c'est des lieux riches qui sont faiblement défendus. Les prêtres ne sont pas supposés se battre, les moines non plus. Mm-hmm. Mais c'est la même chose au nord de l'Europe où les Vikings mènent des raids. Mais il y a un fait qui est réel. C'est le point le plus au nord où vont se rendre les pillages musulmans. Et peu à peu, les attaques de Charles Martel et de ses successeurs vont repousser une occupation permanente musulmane de l'autre côté des Pyrénées. Mais ça n'en demeure pas moins qu'en Espagne et au Portugal, ce pouvoir musulman-là va rester là jusqu'au 15e siècle. Ouais. Et comme on l'a dit, il va y avoir des populations musulmanes sans dominer l'espace, mais qui vont demeurer dans le sud de la France actuelle. Mais il y a quand même une ligne tracée par Charles Martel et résolument, ses successeurs. Résolument. Ouais. À partir du 19e siècle, on l'a déjà évoqué, on fait Charles Martel cette espèce de héros national en France, en lui prêtant, entre autres, justement, cette vertu d'avoir repoussé la menace de l'islam en France. Parlez-nous un petit peu du contexte qui va faire de Charles Martel ce héros national. En fait, on peut remonter jusqu'aux Lumières. Dans l'idée de construction de la nation française, il y a, ben, comme la construction de n'importe quelle autre nation, il y a la recherche de grands héros et de grands événements qui vont construire l'identité de la nation. Donc, en France, on va plutôt aller du côté de Jeanne d'Arc, de Saint-Louis, de Clovis. Charles, il ne fait pas tout à fait l'unanimité. D'une part, l'Église a encore en souvenir le fait que Charles a tué beaucoup de chrétiens, a pillé des églises, a pillé des monastères, n'a pas agi comme un vrai bon seigneur chrétien. L'Église ne l'a pas oublié. Même à l'époque de Charles, on va avoir certains auteurs de chrétiens qui vont dire qu'il est allé en enfer. Ensuite, il y a même des auteurs des Lumières, comme Voltaire dans ses essais sur les mœurs, qui inverse la réflexion, en fait, pour qui Charles était en fait un barbare qui représentait cette obscurité de la féodalité contre laquelle Voltaire se battait, et il mettait en opposition l'islam qui est alors, ce qui est vrai, qui est alors en plein âge d'or, qui a des années d'avance en matière scientifique et intellectuelle sur l'Occident. Donc lui, il se dit, ben, finalement, Charles nous a empêchés d'avoir accès à la lumière de l'islam. Au début du 9e siècle, Charles va revenir en grâce à Chateaubriand. Dans son génie du christianisme, il présente la chrétienté comme l'héritière de la pensée antique et donc une force émancipatrice par opposition à un islam obscurantisme tyrannique. Et c'est lui, au 19e siècle, qui va lancer cette idée-là du protecteur de la chrétienté et de l'Occident contre l'envahisseur. Et cette idée-là, elle va faire son chemin dans la tête des petits Français et des petites Françaises parce que on l'entendait au tout début de l'émission, mais c'est un peu la version qu'on va enseigner aux écoliers français pendant des années. Et puis à partir des années 90, on boucle la boucle. À partir des années 1990, au début des années 2000, cette figure de Charles Martel est vraiment récupérée, commence à ce moment-là à être récupérée par une certaine extrême droite identitaire. L'occupation du chantier d'une mosquée à Poitiers en 2012, vous en avez parlé, par le groupe Génération identitaire en est un très bon exemple. On écoute un extrait du journal télévisé de France 3 qui relate cet événement-là le 20 octobre 2012. L'occupation de la grande mosquée de Poitiers a duré toute la matinée. 73 militants ont investi les lieux en construction aux alentours de 6 heures du matin. Très organisés, ils ont déployé des moyens logistiques importants, groupes électrogènes, banderoles, moyens de communication, tentes, sanitaires et leurs sacs de couchage. Des militants venus de toute la France et dont l'objectif était de faire parler de leur groupe proche de l'extrême droite. On est venu célébrer le 1600e anniversaire de la bataille de Poitiers. On est venu lancer également notre mouvement Génération Identitaire et nos revendications. On veut un référendum sur l'immigration et un référendum sur la construction de mosquées en France. Écoutez, je ne peux être qu'abasourdi par une telle action. De toute façon, on ne s'attendait pas à cela. Et puis, comme vous les entendez, ils pestent un peu la haine. Et puis, ils vivent, il y a 13 siècles, ils vivent un peu dans la nostalgie de l'affrontement. Alors, ce qu'on vient d'entendre, cet épisode, l'occupation du chantier d'une mosquée à Poitiers en 2012 par ce groupe Génération Identitaire, c'est un très bon exemple, Maxime Laprise, de cette récupération de la figure de Charles Martel par l'extrême droite identitaire. Parlez-nous de ça, de ce courant-là relativement nouveau. De quoi est fait ce courant? Qui sont... Parce qu'il y a des penseurs derrière ce courant. Qui sont les penseurs derrière ce courant? Et qui se réclame de ce courant-là? Bien sûr, le tueur de Christchurch, mais d'autres aussi, Breivik en Norvège. C'est vraiment, ça a fait des petits, là, cette affaire-là. Si au 19e siècle, on a utilisé Charles Martel à des fins nationalistes, dans les années 80-90, on le reprend dans une logique d'extrême droite de haine. Je divise ça dans deux grandes grilles d'analyse, si je puis dire. Tout d'abord, l'idée de choc des civilisations. C'est l'idée selon laquelle la chrétienté occidentale et libérale constitue une civilisation à part entière qui entre en opposition constante depuis le Moyen Âge, une espèce de lutte séculaire contre l'islam, je mets des guillemets, l'islam obscurantiste, contre laquelle il faut continuellement se défendre. Cette idée-là est reprise systématiquement par l'extrême droite et même par des conservateurs moins radicaux, si je puis dire. C'est une idée relativement populaire à droite. Oui. De l'autre côté, on a le concept très dangereux qui est de grand remplacement. Il a notamment été développé, ou je vais dire popularisé, par Renaud Camus dans les années 2000, le français. C'est l'idée selon laquelle il existerait un grand complot pour remplacer les Occidentaux blancs chrétiens par notamment des musulmans, des Africains, des Maghrébins, etc., les remplacer par l'immigration. Donc là, dans cette logique-là, on a le devoir, selon ces gens-là, de protéger l'Occident contre une invasion qui a pour objectif de détruire la présence blanche occidentale. Et cet appel-là, qui est tristement de plus en plus repris à travers le monde, on a même des chroniqueurs québécois qui la reprennent à mots couverts, est très populaire à l'extrême droite et les mouvements très conservateurs. Donc, il est logique, on peut comprendre que certains plus radicaux vont percevoir cet appel à la défense de l'Occident de façon intégrale, ouais, et prendre les armes. Ouais. Et chercher, ce que je dénonce, soit dit en passant. Chercher des symboles, évidemment, pour justifier cette prise de position, éventuellement cette prise d'armes. Et, ouais, et Charles Martel, on boucle, ouais, vraiment la boucle, fait partie de cet attirail de figures symboliques avec les travers qu'on a, je pense, démontré assez clairement en faisant de lui ce qu'il n'a pas vraiment été. Mais on s'en sert donc pour toutes sortes de fins politiques. Maxime Laprise, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maxime Laprise, candidat au doctorat en histoire à l'Université de Montréal. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.